Chapitre 9e, la nuit du crime. Le récit de Mademoiselle Alstein fut interrompu par l'arrivée du garçon du wagon-restaurant annonçant le déjeuner. Je n'avais point retenu de place. Dans une heure, nous allons arriver à Mézières, où nous devions quitter l'express pour prendre la petite ligne qui dessert Monzy. Mézières possède un buffet confortable et nous y serions... À 1h20, n'est-ce pas ? Demandai-je. Oui, dit Mademoiselle Alstein. Si toutefois nous y arrivons, diable ! Ma compagne reprit. Le 2 juillet, à 9h du soir, Lucien partit prendre son tour de garde. Il me demanda si je l'accompagnais. J'acceptai avec plaisir. Sitôt parvenu à la fonderie, nous trouvâmes Marc en train de signer le cahier de ronde. Il passa la consigne habituelle à mon frère, et comme il se lançait dans d'assez longues explications sur la partie des bâtiments qu'il fallait surveiller avec le plus grand soin, je sortis. J'avoue que dans la cour, je ne passais plus auprès des bâtiments de l'usine sans éprouver un petit frisson. Le soir, je ne m'y serais point aventuré sans compagnie. N'était-elle pas plus effrayante qu'une maison hantée? Les esprits qui l'habitaient prouvaient chaque nuit leur puissance autrement qu'en frappant des coups sur les murs ou en imitant des bruits de chaînes. Leur activité néfaste avait presque chaque jour son résultat tangible, qu'on ne pouvait nier. Marc me rejoignit. Au lieu de prendre par la route, nous nous dirigeâmes vers le petit bois, dont la lisière était à 500 mètres environ de cette partie de l'usine. « Arrêtons-nous, » dit mon fiancé qui semblait avoir un projet. Nous nous assîmes à l'orée du bois, derrière un bosquet, dans la fourche qu'à cet endroit forme le sentier se divisant en deux branches, dont l'une conduit à la maison et l'autre, assez indirectement d'ailleurs, à Monzy. Dans l'ombre, au bas de la pente gazonnée, nous apercevions la masse des bâtiments où se passaient des choses surprenantes. Je me souviens que nous allions nous lever pour repartir, lorsqu'un bruit de pas nous retint immobile. Quelqu'un venait par le sentier qui se rend à Monzy. Marc me dit dans un souffle, « Qui donc peut à cette heure venir à l'usine dont l'accès est sévèrement interdit depuis toutes ces histoires ?» Les pas se rapprochaient. « Une femme, dis-je. » En effet, une forme féminine passa près de nous assez vite, sans nous voir. Elle descendit la pente d'un pas assuré. Elle va vers l'usine. « Sans aucun doute. Vous ne l'avez pas reconnue ? Ma foi, non. C'est Madame Thévenel. Parbleu, elle va rejoindre votre frère. » Comme chaque soir, probablement. Je ne suis plus surpris que la vigilance de Lucien soit si souvent en défaut. Je lui fis observer que la rencontre des deux amoureux paraissait lui causer une peine excessive et dont ma jalousie eut pu prendre ombrage. Il sourit et me serra la main. Il est un temps pour l'amour et un temps pour le devoir. Je pensais pouvoir compter sur Lucien comme sur moi-même. Je m'aperçois que je me suis trompé. Il est naturel que j'en ressente du dépit. Nous n'arrivons jamais à pincer les coupables s'ils sont libres d'agir à leur guise lorsque votre frère est de garde. Peut-être ne sort-il pas compte lui-même de la faute qu'il commet en recevant ainsi Madame Thévenel. Songez que nous ignorons tout de cette dame. Elle est employée à l'usine depuis longtemps déjà. Elle est une bonne comptable, soit ponctuelle dans son travail, mais si elle cachait son jeu. Elle est la veuve d'un contremaître, fille d'un simple ouvrier. Qui sait s'il n'a pas de relation dans les milieux syndicalistes? Elle est d'intelligence peut-être avec les saboteurs, ce n'est qu'une supposition. Assez invraisemblable. Bon, voilà que je défends contre vous ma ribale, ajoutai-je en plaisantant. Je ne dis pas qu'elle mette elle-même la main à une besogne qui demande une force plus grande que la sienne. Mais pourquoi ne serait-elle pas envoyée vers votre frère afin de capter son attention pendant que d'autres travaillent? Deux bras amoureux sont un piège puissant. Bien romanesque votre hypothèse. Il faut les examiner toutes. Aucune ne doit être rejetée de prime abord. En tout cas, une chose est certaine, les empreintes que j'ai relevées sur le sable sont celles de Madame Thévenel. Voilà pourquoi peut-être Lucien propose à d'éloigner les gardiens qui auraient gêné ses tête-à-tête. Ah ah ! Vous pensiez être sur une piste sérieuse et vous êtes déçu. Vous êtes furieux parce que votre stratagème n'a pas réussi. Après avoir mal rempli son office de surveillant, Lucien a beau jeu d'inventer ensuite des fantômes pour excuser son impuissance à surprendre des vivants. Il parlait fort en secouant ma main qu'il tenait toujours dans la sienne. Il me lâcha et se leva brusquement. Cette nuit, je vais l'aider. Je vais exercer une surveillance plus effective que la sienne au dehors. Pendant qu'il filera le parfait amour au pied de sa belle, je veillerai pour lui. Et vous allez me laisser partir seul? Mais non, je vais vous reconduire et j'en reviendrai. Seulement, nous allons prendre la route pour aller plus vite. Il est inutile que vous me reconduisiez, je connais le chemin. J'ai le pressentiment que ma garde supplémentaire de cette nuit sera féconde en résultats. Les malfaiteurs comptent sur la négligence de Lucien. Ils ne pensent pas me trouver. je vais surveiller une issue de l'usine par où je les soupçonne de s'introduire. J'avais recommandé à votre frère de monter spécialement la garde de ce côté, mais qui sait où Madame Temnel a pu l'entraîner. Je finis par surmonter la petite contrariété que m'avaient causé tout d'abord les projets improvisés de mon fiancé. C'était une manière d'abandon. N'était-ce pas une cruelle déception que de partir dans l'ombre inquiétante quand on espérait une tendre promenade sentimentale? D'autre part, il est doux d'être aimé d'un homme énergique en qui le devoir prime, quand il le faut, les autres sentiments. Bonne chance et soyez prudent. Il m'assura qu'il ne risquait rien. Il était armé d'ailleurs, bon tireur et prêt à toutes les éventualités. Il tint à m'accompagner jusqu'à la route, puis il me quitta comme à regret. À ce moment, son exaltation précédente était tombée. Je n'aurais eu qu'une parole à prononcer sans doute pour le retenir. Je n'ouvris pas la bouche. À plusieurs reprises, je le vis se retourner me faire un geste de la main. Enfin, sa silhouette disparut, noyée dans l'ombre. Je partis à mon tour. Je fredonnai à mi-voix une chanson pour me rassurer et me tenir compagnie dans la campagne déserte. Je ne risquais rien. J'avais à peu près 20 minutes de marche à bonne allure. Je sais cependant qu'on n'a pas voulu croire à mon projet de retour solitaire dans la nuit. Je n'avais fait que quelques pas lorsqu'un cri affreux s'éleva du côté de l'usine, presque aussitôt un appel déchirant d'une femme, celui-là. Vous jugez de quelle émotion je fus saisi. Mon cœur se mit à battre de telle façon que je dus m'appuyer contre un arbre pour ne pas tomber. J'entendis la détonation sèche d'un revolver, et encore un cri. J'eus très vite l'idée que Lucien avait tiré sur Marc, le prenant pour un malfaiteur. C'était vraisemblable puisqu'il ignorait sa présence. Cette crainte me donna la force de me diriger vers l'usine. Haletante, j'avais fait une vingtaine de mètres, peut-être, lorsque je vis une femme échevelée qui se précipitait à ma rencontre. Elle tomba sur les genoux avec un gémissement. Je la soutins. « Mon Dieu, que s'est-il passé ?» Elle me regarda sans avoir l'air de comprendre. La lune éclairait en plein son visage d'une pâleur mortelle. « Répondez, dis-je, répondez donc. » Elle me regardait toujours, les yeux fixés et hagards. Je la secouai brutalement par le bras. Elle eut un hurlement de douleur. Je sentis mes doigts humides. Je m'aperçus alors que son corsage clair portait des taches brunes. Du sang, certainement. « Vous êtes blessé ?»« Oui, la machine, l'affreuse machine. » Je crus qu'elle délirait. Je lui criai dans l'oreille presque. « Mais les autres, Marc, Lucien !» Elle murmura. « Ils sont morts tous les deux. Ah, la pince !» Et elle éclata d'un rire strident qui se répercuta au loin dans la campagne endormie. Je la lâchai. Elle s'étendit de tout son long dans l'herbe. Tandis que je courais vers l'usine, je l'entendis 2 ou 3 fois encore éclater de rire. Je courais sans réfléchir. Allais-je me trouver à mon tour en face des malfaiteurs, des assassins peut-être? J'entrai dans le vestibule, puis dans la première salle des machines. La lanterne de ronde était posée par terre près des laminoirs aux rouages compliqués. À tâtons, je cherchais les commutateurs. Je donnais toute la lumière. La salle était déserte. Non, 2 corps étaient étendus sur le sol. Au-dessus d'eux, un bras articulé, terminé par une énorme pince, se remuait de droite à gauche avec un air bizarre de contentement.